méchant. Dans mon plus jeune âge, je peux pas tourner la page. Traîne avec les grands, j'ai de jolies jumelles dans mon jacuzzi. Je la ramasse à la pelle avec mon gros zizi. L'argent coule en moi comme mon héroïne. Je marche sur ta gueule comme j'éjacule sur mon héroïne. Les jeunes achètent mes freins comme ils achètent mon taf. Tu le big boss, fabrique ton Big Mac. Je vends du crack, des figures à coups de grosse mec. Je suis déjà, ça fait zizir. Biker, bas de fesses, frotte le gland, j'ai plus de plaisir. J'aime ce que les gens, ça fait zizir. Biker, bas de fesses, frotte le gland, j'ai plus de plaisir. J'aime ce que les gens, ça fait zizir. Biker, bas de fesses, frotte le gland, j'ai plus de plaisir. J'aime ce que les gens, ça fait zizir. Biker, bas de fesses, frotte le gland, j'ai plus de plaisir. Qu'est-ce que tu veux, hop, t'as vu, ici c'est pas calme, on est pas Paname, j'suis pas le bonhomme, j'suis banane. Il était temps, tes souris s'auto-écrasent, plus que lui mon base, Darkies et la phase. J'travaille pas au rablé, alors efface-moi ta face. Le paysage en face est dégueulasse. Quand tu mates ma vie, je pars derrière. Je sais que tu veux me la faire à l'envers, à la super. Si tu veux m'enculer, fais-le avec une Winchester. Sinon, quand tu rentreras chez toi, personne, même pas ta mère, ne te reconnaîtra. Avec ta tronche de World Street Center, je suis avec mes potos, mais c'est Wesson. Ferme ton veston, torche-toi le cul et serre ta ceinture. Ma culture est plus dure qu'un saint, pas saint, mais synchro, pas chromé, mais simple. Les gens pissent sur les trottoirs, moi c'est à coup de flèche que je marque mon territoire. Quand je traverse la rue, les voitures ne s'arrêtent plus. Je suis trop connu, mais les gens ne me fréquentent plus. On m'a trop pissé dessus, je suis devenu ondiniste. D'abord j'espère pas, je fais bibi. Tu demanderas à ma future ex-petite amie quand elle aura vu ceci. Je préviens mes voisins d'en dessous, y'a intérêt dans leur grenier. Tu veux foutre le sou qui est pas donné de sou. Comme le dit Anthony, je suis un vrai fuck, gros frog grande dent. Et ma devise est fuck les gens. J'aime ce que les gens, ça fait zizir. Biker bas de fesses, frotte le gland, j'ai plus de plaisir. J'aime ce que les gens, ça fait zizir. Biker bas de fesses, frotte le gland, j'ai plus de plaisir. J'aime ce que les gens, ça fait zizir. Biker bas de fesses, frotte le gland, j'ai plus de plaisir. J'aime ce que les gens, ça fait zizir. Biker bas de fesses, frotte le gland, j'ai plus de plaisir. Les rappeurs, c'est comme les leux, c'est plus intelligent que l'homme. Mais ça parle même si on comprend rien. J'déboule pareil qu'en a qui veulent sucer des boules. Beau pas ramasse ton gros cul, tu tournes pas ton boule. Mon rap, j'ai pas trouvé derrière un camion, mais devant, je l'ai ramassé pour pas qu'il soit écrasé. Mon son, faut que j'arrête de le fréquenter, pareil que son père a me tué. Quand je suis par terre, il pousse des champignons bleus pas doré. Depuis quand les loups sont des nazis, je dirais plutôt que les nazis sont des chasseurs, oui. Allez, je rentre dans le Guinness et je rentre boire ma Guinness. Un loup, c'est juste un chien et en gâte, et de s'extasier, de s'éterniser, de chialer. On aime le truc dur à cuisiner, l'iris, mais mauvais pour la santé. Place à la musique, elle est prioritaire. Place à l'anarchie, elle est minoritaire. Place à la folie, place de la Bastille, elle est fière de moi, fière de ça. Je regarde fuck les marques sur mon classeur, marqué au marqueur. Tout demandera mon futur avocat si mon rap est en surpoids. Vous faites quoi dans la vie? J'ai 15 ans et je suis quoi, Thierry? Je rappe via ton stylo, qu'aime tomber ta main écartée. Plutôt ton clavier, copier, coller. Je rappe en polycopier, t'es à toucher, couler, toucher, coller. Oh, tu m'entends? Très tôt, le boob tombe de tes jambes. Écarter ta bouche, mais la seule chose à qu'on va sucer faire, c'est Toto sucer, assis, démocratie. En plus de te lobotomiser, t'as lupo sucer ce que t'as musclé. Oh, t'as vu ta spé, est cynique, t'es pire que Diams, yo, t'as peur chez moi. Yeah, Mozor Fokker, yo, yeah. J'aime ce que les gens, ça fait zizir. Biker bas de fesses, frotte le gland, j'ai plus de plaisir. J'aime ce que les gens, ça fait zizir. Biker bas de fesses, frotte le gland, j'ai plus de plaisir. J'aime ce que les gens, ça fait zizir. Biker bas de fesses, frotte le gland, j'ai plus de plaisir. J'aime ce que les gens, ça fait zizir. Biker bas de fesses, frotte le gland, j'ai plus de plaisir. Il me chante dans le stars, parce que je mange toujours mal. Tout mal. Bon, je t'en fume, je t'en fume. Je sais pas combien je suis dans ce truc. Dans ce truc. Le 26, la gueule, remplis mon verre, j'en bats. Astique ma grosse chaîne. Mes gros pecs de fond, pecs de fond. Yeah, yeah. Ma queue te donne envie que d'être chez. Mes compacts te font compacts te font yeah. Ma queue te fait, ma queue donne envie de les donner. Chez, chez, Q, Q, Q. Yo, Daddy Fucker, Daddy Fucker, yo, hey.